dont on m'avait dit que je n'avais qu'effleurer. Sombre pensée guerrière, face à tout silence, langage de l'éphémère, noyer sombre joie immense. Tout en l'air.